بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة في شرح عمدة الأحكام on continue les frères l'explication de عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله ومعنا اليوم باب صلاة الكسوف aujourd'hui on continue le sous-chapitre concernant la prière liée à l'éclipse. L'auteur qui nous dit « وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَصَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِيَامِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعِ ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف. عائشة رضي الله عنها qui dit qu'il y a eu une éclipse solaire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc prié avec les gens et il est resté en position debout pendant longtemps. Puis il s'est incliné et a fait une longue inclinaison. Puis il s'est levé et est resté debout pendant longtemps, mais moins longtemps que la première fois. Puis il s'est incliné une seconde fois et est resté longtemps incliné, mais moins longtemps que la première fois. Puis il s'est prosterné et est resté longtemps dans la prosternation. Puis il a fait cela dans l'autre unité de prière comme il l'a fait pour la première. Thumman sarafa wa qad tajallat ash-shamsu fa khataba an-nas fa hamida Allah wa athna alayhi thumma qala inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Ensuite elle continue Aïcha radiallahu anha et elle dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fini la prière lorsque l'éclipse solaire s'est terminée. Ensuite il a fait un sermon aux gens, il a loué Allah tabaraka wa ta'ala et a fait ses éloges. Puis il a dit certes le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent pour la mort de quiconque, ni la vie de quiconque. Et si vous voyez cela, alors invoquez Allah et faites le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Priez, donnez l'aumône. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ô communauté de Muhammad, par Allah, il n'y a aucun qui soit plus jaloux que Allah que le fait que son serviteur fornique ou sa servante fornique. Ô communauté de Mohammed, par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous aurez beaucoup pleuré et vous aurez peu rigolé. Vous aurez peu rigolé et beaucoup pleuré. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Fi hadha al-hadith, Aïcha radiallahu anha tasifu lana salat al-kusuf. On a dans ce hadith le fait que Aïcha, elle nous décrit la prière du Kusuf. Illa annaha tufassilu akthar mimma dhakarat fil hadith al-awwal alladhi akhrajahu al-musannif aw dhakarahu al-mu'allif rahimahullah. Sauf que dans ce hadith, Aïcha détaille plus qu'elle ne l'a fait lors du premier hadith que l'auteur a cité rahimahullah. Wa qad ikhtalafat al-ulama fi wasf salat al-kusuf fa dhahab al-jumhur إلى أنها تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وقيامان. Et donc, les savants, ils ont divergé sur la façon dont on accomplit cette prière, Al-Kusuf. Al-Jumhur. Al-Jumhur, ici, ce qui est voulu par Al-Jumhur, c'est Al-Malikiya, Al-Shafi'iya et aussi Al-Hanabila. Donc, les trois écoles, ils voient que la prière du Kusuf, on la fait en deux unités de prière. Dans chaque unité, on a deux inclinaisons, deux rukours. Et deux qiyam, deux stations debout durant laquelle l'imam récite. Comme on l'a vu dans le hadith de Aïcha, radiyallahu anha. Fahada huwa qawlu al-jumhur. Al-qawlu thani wa huwa qawlu al-ahnaf. Annaha tusalla rak'ataini ka salati subhi. Le deuxième avis, c'est l'avis de l'école hanafite. C'est-à-dire, ils disent que la prière du Kusuf, on l'accomplit en deux unités, mais comme on fait pour le Subh. C'est-à-dire deux unités adiya, normales. On ne rajoute pas de rukur, on ne rajoute pas de qiyam, on ne rajoute pas d'inclinaison en plus, ni de station debout en plus. C'est une prière normale. Tayyib. Adillatuhum istadallu bi ahadith amma. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف في ركعتين. Ils se sont appuyés sur des hadiths généraux qui citent que le prophète صلى الله عليه وسلم il a accompli la prière du Kusuf en deux unités. Taïb, comment on répond à ça? Le prophète صلى il a pris deux rak'at pendant le. Oui, il a fait deux rak'at, il a fait deux unités. Aïcha, elle a détaillé. Et donc eux, el ahnaf, yani, il se base sur une preuve qui est générale, le fait que le prophète, il a prié El Kusuf avec deux unités. Mais il y a d'autres preuves qui spécifient comment elles sont ces deux unités. Et donc, on ne peut pas délaisser les hadiths, les textes qui sont spécifiques et détaillés, et rester que sur un texte qui est général. Non. Peut-être qu'ils ne les ont pas reçus. On va voir ça tout de suite. Amma hadith Aïcha. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من ركوعه فحينما ركع المرة الأولى لم يكن من ركوعه كما قالت عائشة وإنما المراد من كلام عائشة أنه رفع رأسه إلى السماء لينظر هل تجلت الشمس أو لا. Donc eux disent que concernant le hadith d'Aïcha, Aïcha qui nous dit le prophète il s'est incliné, ensuite il s'est levé, ensuite il s'est incliné, ensuite il s'est levé. Eux ils disent, non, il s'est incliné. Lorsque Aïcha nous dit qu'il s'est levé, ça ne veut pas dire qu'il s'est levé, ça veut dire qu'il a levé la tête au ciel pour regarder est-ce que l'éclipse, elle était toujours présente. Elle était toujours présente, il a rebaissé la tête. C'est pas il s'est levé. D'accord? Tayyib, vous pensez quoi de... Et donc, هذا مخالف للنص. Ça, c'est donc une parole qui est contraire au texte. C'est contraire au texte et c'est pour ça que le Cheikh Ahmed Al-Najmi, rahimahullah, ذكر في شرحه على هذا الكتاب عمدة الأحكام أو نقل كلاما جميلا للصنعاني. Le Cheikh Ahmed Al-Najmi, rahimahullah, il cite une parole, une très belle parole de Sanani qui réplique à Al-Tahawi. Al-Tahawi qui fait partie des savants de quel madhhab? Al-Ahnaf. Et donc il réplique à Al-Tahawi lorsque Al-Tahawi il défend cette argumentation des Ahnaf. Et donc il dit Sanani. والذي في كتاب معاني الآثار للطحاوي من الأعذار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ويسلم ويسأل كما روى ذلك النعمان بن بشير وهذا مردود وإنما هي أعذار واهية بل سخيفة يريد أصحابها من وراء ذلك رد النصوص والقول بمذهب الإمام كأن الله تعالى أرسل إليهم أبا حنيفة ولم يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا أمر يؤسف له أن يصدر من قوم يبحثون العلم وينظرون فيه وعند الله الملتقى. كلام جميل جدا, جميل جدا. Et donc il dit Sanani rahimahullah, il dit ce qu'il y a dans le livre Ma'ani al-Athar de At-Tahawi, lorsqu'il cite les excuses pour défendre donc le madhhab des Ahnaf, en citant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli rak'atayn, puis il a fait le taslim et a demandé concernant donc, l'éclipse, de la même façon que l'a rapporté An-Nu'man ibn Bashir, tout cela est rejeté. Toute cette argumentation est rejetée. Ce ne sont que des excuses qui sont très faibles. Même pire que cela, elles sont basses. Les gens qui viennent avec ces excuses, ils ne veulent par là que le fait de rejeter les textes. Ils ne veulent que le fait de rejeter les textes et suivre l'avis de l'imam. Comme si Allah tabaraka wa ta'ala n'avait pas envoyé, ou comme si Allah tabaraka wa ta'ala avait envoyé vers eux Abu Hanifa et n'avait pas envoyé vers eux Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une situation qui attriste, que cela provienne d'individus qui étudient la science, et c'est auprès d'Allah que nous allons nous rencontrer. Wa inda Allahi al-multaqa. Fin de citation. هذا الكلام أيها الإخوة جميل جدا في الدفاع عن السنة والرد أو نعم والرد عن أو على التعصب للأشخاص. Cette parole elle est très importante pour montrer la défense de la sunna, le fait qu'on s'accroche à la sunna et le fait de mettre en garde et de rejeter le suivi aveugle. Le fait de suivre aveuglément les individus. Alors faites attention à cela, barakallahu fikum. وليعلم أن هذا القول أي القول بالركعتين كالصبح هو أيضا قول عبد الله بن الزبير من الصحابة رضي الله عنه. Et aussi, il faut savoir que cet avis, l'avis qui nous dit que on peut accomplir cette prière, la prière donc du Kusuf en deux unités comme le Subh, c'est aussi l'avis de Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fafi al-Bukhari an Kathir ibn Abbas radiallahu anhu, naam, an Kathir ibn Abbas, anna Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma kana yuhadithu yawma khasafati shamsu بمثل حديث عروة عن عائشة. Et donc dans Sahih al-Bukhari, selon Kathir ibn Abbas, qu'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il parlait, il récitait, donc il citait le hadith, le jour où il y a eu une éclipse solaire, il récitait le hadith de عروة عن عائشة. Le hadith qu'on a étudié, le hadith de Aïcha qui nous décrit le Kusuf, c'est عروة qui nous le rapporte de Aïcha. Urwa qui est le frère de Abdullah. Et donc Urwa ibn Zubayr qui est le frère de Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr qui voit qu'on prie Al-Kusuf Rakatayn comme le Subh. Ça c'est Abdullah ibn Zubayr. Urwa ibn Zubayr, c'est lui qui rapporte le hadith de Aïcha. Abdullah ibn Zubayr, c'est un sahabi, c'est un compagnon. Urwa ibn Zubayr, c'est pas un compagnon, c'est un tabi'i. Les deux sont frères. Abdullah, c'est un compagnon. Urwa, c'est pas un compagnon. Et donc, dans Sahih al-Bukhari, donc lorsque Ibn Abbas, il citait cela, alors il dit, Kathir, il dit, « Fakultu li Urwa, inna akhaka yawma khasafati shamsu bil Medina, lam yazid ala raka'atayn mithla subhi. » Alors il dit, j'ai dit à Urwa, certes ton frère Abdullah, lorsqu'il y a eu l'éclipse solaire à Médine, il n'a pas fait plus que deux unités comme le Subh. Il a fait deux unités, ton frère Abdullah, il a fait deux unités comme le Subh. Alors il a répondu quoi? Urwa, il l'a dit, Ajel, Il a dit bien sûr, car il n'a pas atteint la sunna. Il n'a pas fait la sunna. Il n'a pas fait la sunna. وتنبه أيها الإخوة في هذا في هذه القصة من اللطائف. Dans cette histoire, il y a des sujets importants. On ne va pas s'étaler parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais un point important, regardez. التابعي يرد على أخيه وهو من الصحابة. Le tabi'i qui va répliquer à son frère qui fait partie des sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ أَوْلَى مِنْ كُلِّ أَحَدٍ. Cela car la vérité, elle passe devant tout le monde. La vérité est au-dessus de tous. Il n'y a pas histoire de non, c'est mon frère, je vais le défendre. On a le même père. Puis c'est un compagnon. Non, non, la vérité, c'est la vérité. أَخْطَى السُّنَّةِ. Il n'a pas donc accompli la sunnah. Et donc, la vie le plus juste, inshallah ta'ala, c'est la vie de l'jumhur, la vie de la majorité, qui est que la prière du Koussouf, on l'accomplit en deux unités, et dans chaque unité, on a deux recours et deux stations debout, donc deux inclinaisons et deux stations debout, inshallah ta'ala. Mais maintenant, aussi important, c'est que si l'imam, il fait une prière du Koussouf, de la même façon qu'il fait une prière de la prière de Subh, la prière elle est sahiha, la prière elle est correcte. La prière elle est correcte, mais il n'a pas fait la sunnah. Voilà pour aujourd'hui, on arrête inshallah ta'ala, on continue l'explication de ce hadith demain. Wa fa inshallah ta'ala wa fa Allahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.